T'inquiète, on verra ce qu'on fait. T'inquiète, on verra ce qu'on fait. À la belle. Ok. T'inquiète, on verra ce qu'on fait. Hier, il s'est fait gonfler. Il a voulu me faire Pablo. Il a mis 20 en paix. À 2 sur le tableau. Le moteur est gonflé. Y'a du cupel au prado. On se gare à l'arrache. Pas de boulettes dans la vago, frérot. Mets bien le chien dans la poche, pélo. Camoufle bien la sacoche, c'est chaud. Dis pas mon nom, je raccroche, pélo. Tu vois, tu mélanges tout. Tu me fais le fou pour un bout. T'as changé tout d'un coup. À mon avis, t'as pris un coup. Tu vois, tu mélanges tout. Tu me fais la folle pour un coup. T'as changé tout d'un coup. À mon avis, t'as pris un coup. J'y vais ce coup-ci. Mon numéro dans son sac Gucci. Elle est bonne, la cousine. Dans la bouche, il me reste un Gucci. J'y vais ce coup-ci. Mon numéro dans son sac Gucci. Elle est bonne, ma cousine. Dans la bouche, il me reste un Gucci. Si tu m'aimais vraiment, tu me laissais pas tout seul. Tu t'inquiéterais pour moi. Tu prendrais de mes nouvelles. Mais où est mon poteau? Le seul qui me défendait. Rien qui me prenait la tête. Il m'appelait pour que je descende. J'suis pété sur la corniche. J'voudrais commander un fiche. Mais la ceinture j'ai une fiche. Vas-y branche la tape à chiche. J'suis pété sur la corniche. J'voudrais commander un fiche. Mais la ceinture j'ai une fiche. Vas-y branche la tape à chiche. Elle a tiré sur mon narguilé. À la base je lui ai demandé quelle heure il est. Ce soir je me sens drapiné comme Ronaldo dans le petit filet. La vie de ma mère, jamais je le calcule. Et ces batailles se mêlent de ma life. Je le sais, je suis tarpe un paro. Je regarde tous les rétros quand je drive. Je me suis niqué la santé. Voyez un coup à ma santé. Mademoiselle enchantée. Oh la couche, tu peux présenter. Je me suis niqué la santé. Voyez un coup à ma santé. Mademoiselle enchantée. Oh la couche, tu peux présenter. Je me suis niqué la santé, point quoi ma santé. Ma demoiselle enchantée, oh la couche tu peux présenter. Je me suis niqué la santé, point quoi ma santé. Ma demoiselle enchantée, oh la couche tu peux présenter.